Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Inès Seliki. Salut Julien. Je suis très content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel j'ai l'habitude de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Aujourd'hui, nous échangeons à distance, puisque toi tu es, si je ne dis pas de bêtises, dans la périphérie de Paris en ce moment, et nous allons aborder des thèmes de justice sociale et d'intégration des jeunes qui sont des sujets qui me passionnent et dans lesquels j'ai travaillé une bonne partie du début de ma carrière professionnelle. Inès, moi je te connais depuis quelques mois, j'ai eu la chance de travailler notamment avec toi sur le projet de la nouvelle photo du siècle, mais si je te rencontrais pour la première fois aujourd'hui sans te connaître et que je te demandais qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu me dirais quoi ? Bah déjà, je te dirais merci de m'avoir invité sur ton super podcast sur lequel j'ai appris énormément de choses dans les précédents épisodes. Moi, je me présenterais comme étant entrepreneur social sur la question de l'inclusion de la jeunesse des quartiers populaires dans notre société. Je suis aussi consultante en responsabilité sociale des entreprises. Et je suis plein d'autres choses, mais en vrai, en France, on aime beaucoup se présenter par notre travail, alors je joue le jeu. Et c'est vrai qu'en France, on se présente toujours par le travail, et c'est à la fois quelque chose contre lequel je veux lutter, et en même temps, qui me semble nécessaire d'écrire différemment, de raconter différemment si on veut rentrer dans les 2030 glorieuses. Et là, tu viens de me donner plein de mots-clés qu'on voit souvent sur les têtes de posts LinkedIn, et moi, je pense que tu ne fais pas ces métiers-là, Inès. En fait, je pense que tu fais d'autres métiers bien plus complexes et bien plus enthousiasmants. J'aurais tendance à dire que toi, en fait, plutôt que d'être fondatrice, plutôt que d'être consultante, tu es plutôt révélatrice de talent ou tu es ambassadrice de l'égalité des chances. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu te sens à l'aise avec ces définitions ? Bah, c'est un peu les missions qui se cachent derrière ces titres un petit peu neutres. Moi, j'aimerais bien être tout ça. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Et voilà, et j'essaye aussi d'être une bonne amie, une bonne sœur, une bonne copine, une bonne citoyenne. Mais tout ça, ça rentre pas particulièrement dans les cases. Mais merci de l'avoir formulé comme ça. Ça me touche que ce soit ça que tu ressentes de mon travail. J'ai l'impression aussi que tu es créatrice de liens qui ne sont pas évidents dans notre société et on en reparlera tout à l'heure. Mais là, maintenant que je viens de te donner un peu toutes ces missions, toi tu les décris comme des missions, si tu devais en retenir qu'une, qu'est-ce que tu dirais maintenant ? Si à nouveau on devait se représenter, tu dirais que tu fais quoi alors dans la vie ? Je dirais que je fais tout ce que je peux pour qu'en France, on fasse vraiment société, qu'on ait vraiment l'impression d'être tous ensemble dans le même bateau et que voilà, qu'on se parle, qu'on s'entraide, qu'on avance et qu'on arrête de se polariser et de stagner en vrai. Parce que le temps qu'on passe à se chamailler sur des détails, on ne fait pas face ensemble aux grands défis qui nous attendent et voilà, et ce serait important qu'on y arrive. On en parlera tout à l'heure de cette idée de stagnation qui me marque beaucoup sur ces sujets, notamment d'intégration, de justice sociale. J'ai l'impression que ça fait depuis la fenêtre de ma vie 35 ans qu'on en parle et que ça bouge pas, et sans doute même beaucoup plus, mais ça, je veux t'entendre à ce sujet. Et avant ça, je veux juste refaire un tout petit pas en arrière et que tu nous racontes, parce que en fait, en discutant avec toi et puis en m'intéressant aussi à ton parcours, je vois qu'on a en point commun le fait d'avoir étudié à Grenoble, même si moi je venais pas très loin, tu étais à l'école de management de Grenoble, hein, si je dis pas de bêtises. c'est vrai que les écoles de management, de commerce, etc., aujourd'hui, elles mènent à tout et à rien. Et en même temps, je n'ai pas l'impression que tu te prédestinais à être créatrice d'une organisation qui voulait comme ça réconcilier la France au début de ta carrière, hein, ni au début de tes études. Non, alors c'est vrai que ben, moi, j'ai une trajectoire scolaire assez particulière, mais en même temps tellement, tellement banale d'où je viens. En fait, j'avais des facilités à l'école, donc j'ai toujours réussi à passer les classes, à aussi accéder à une terminale S, par exemple. Et j'ai toujours écouté ce que les profs me disaient ou ce que mes parents me disaient. Va là où il y a toujours le plus de portes qui vont s'ouvrir, etc. Sans que jamais vraiment personne se pose avec moi pour me demander qui je suis, ce que je veux être plus tard, ce à quoi je veux servir, les aspirations que j'ai dans la vie. Et en fait, du coup, ben, ça a toujours été une orientation par défaut qui m'a emmenée jusqu'en école de commerce. Après, donc, une classe préparatoire que j'ai faite à Sarcelles, en ZEP, une des seules classes préparatoires qu'il y a dans un établissement scolaire prioritaire. Et donc, j'arrive en école de commerce à Grenoble. Et effectivement, à un moment donné, c'est dos au mur que je dois un peu décider ce que je veux faire de ma vie. Et naturellement, je m'oriente vers ce qui a pour moi le plus de sens à l'époque. Alors d'abord, un passage en finance où je me retrouve pas forcément. J'apprends énormément de choses. Je rencontre des gens incroyables et j'ai accès à beaucoup d'opportunités. Mais je sais pas, il y a un espèce de truc qui revient, quelque chose qui me dit que ma place, elle est peut-être ailleurs, que j'ai peut-être plus à apporter sur des sujets de société que là où j'étais en fait à ce moment-là. Et petit à petit, je m'oriente déjà vers ce qu'on appelle la RSE, donc la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, où là, l'objectif, c'est d'essayer d'accompagner les grands groupes et les PME aussi à améliorer leur impact sur l'environnement, mais aussi sur les gens, sur leurs employés, sur les collectivités territoriales où ils sont implantés, sur leur environnement de manière générale, que la présence d'une entreprise devienne quelque chose de positif, de constructif. Et donc, ça m'anime pendant longtemps et toujours maintenant. Mais il y a quand même une espèce de truc qui manque, une espèce de zone sur laquelle je sens que je dois aller parce que j'ai beaucoup de choses à dire, parce que j'ai vécu beaucoup de choses et parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque des outils et ça me travaille. Et puis à la fin de mes études, parce que moi, du coup, j'ai fait mes études en alternance, donc j'y ai passé un peu plus de temps. Mais à la fin de mes études, l'immense joie de réaliser un de mes rêves et d'aller aux États-Unis. Et en fait, c'est là que, en vivant à Harlem, déjà, je suis frappée par la manière dont les gens sont organisés, les personnes des minorités sont organisées, comme la manière dont elles connaissent leur histoire, dont elles forment leurs jeunes, etc. Et en même temps, je suis frappée, moi, par le sentiment d'être un peu passée de l'autre côté. Donc, j'ai mon diplôme en poche, j'ai un travail, je suis aux États-Unis en train de passer 6 mois incroyables de ma vie. Et je regarde derrière et je me dis, wow, le chemin parcouru. Et là, il y a pas mal de culpabilité qui arrive en me disant, mais pourquoi moi ? Il y en avait plein à l'école avec moi qui auraient tout autant mérité cette place et qui n'y sont pas. Puis après un gros travail et un peu de recul sur tout ce que j'ai ressenti pendant ce voyage, je me dis, en fait, c'est pas à moi de culpabiliser d'avoir un peu réussi à toucher du doigt mes petits rêves, mais c'est plutôt à ce système qui doit changer pour permettre à tous de pouvoir réaliser en fait ses objectifs, se trouver, cheminer et apporter ce qu'ils ont apporté à la société. Et c'est là que je décide de créer GetUp en me disant, bon bah, je pense qu'on est, je suis pas la seule à m'être fait cette réflexion et il faut créer des outils pour que tout ce qui n'a pas permis à mes camarades de classe au collège d'aller jusqu'au bout de leur envie, de leur potentiel et de leur engagement n'existe plus. Et rien de mieux que des anciens, des transclasses, des gens qui ont réussi à surmonter tout ça pour essayer de créer des ponts et de créer des outils, de créer des structures et des collaborations entre les gens pour que ça n'existe plus et pour qu'au contraire, cette jeunesse qui a plein d'idées, qui a un vécu extraordinaire, puisse non seulement se réaliser pour elle-même, mais aussi apporter ce qu'elle a apporté dans cette société parce que je l'ai vu aussi au travers de mon parcours. À chaque fois que je suis allée dans des espaces où j'étais la seule, bah, j'ai quelque part fait la différence parce que j'avais un angle de vision différent, que j'avais vécu des choses différentes et que ça, c'est extrêmement, ça a beaucoup de valeur et il faut encourager ça. Donc, c'est comme ça que GetUp est né il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et c'est ce qui m'anime toujours aujourd'hui quand je me réveille le matin pour passer 25 heures de ma journée sur les projets de l'association. J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que le fait d'être décentré, d'être sorti de ta zone de confort, notamment en allant vivre à New York et d'avoir vu différemment et en même temps avec plein de points communs la mixité ou la non-mixité, les rapports sociaux qui peuvent parfois être conflictuels, ça a joué l'effet miroir sur ta vie et ça t'a permis une relecture sans doute beaucoup plus accélérée que ce que t'aurais vécu si t'étais resté en France. J'ai l'impression que le fait de vivre ce décloisonnement et ce recloisonnement dans une autre société, pour toi, ça a été assez libérateur, non ? Absolument. C'était vraiment, c'est vraiment le déclic qui manquait. Et c'est quelque chose qu'on essaye de justement replacer au cœur de nos programmes parce que ça a été un déclic pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou qui vivent dans les quartiers populaires et qui ont vécu des expériences à l'étranger, que ce soit aux États-Unis quand même beaucoup, mais ailleurs, en Angleterre, en Asie, en Afrique du Sud. Ça a été un moment qui leur a permis de remettre en perspective beaucoup de choses, à la fois ce que la société française fait mal, mais aussi les cadres et les opportunités incroyables sur lesquelles on peut s'appuyer dans notre société pour vraiment faire avancer les questions de justice sociale, etc. Et en fait, effectivement, on essaie de replacer cet outil de l'international, du décentrement dans nos programmes, notamment le programme d'éducation populaire qu'on a pour les collégiens, où effectivement, à chaque fois, on le voit quand ils parlent à des étrangers, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, il y a quelque chose qui se débloque à chaque fois. Déjà, il y a le sentiment d'être 100% français au moins une fois dans sa vie parce que les Américains ou les Anglais ou les Malaisiens, quand ils parlent aux jeunes de notre programme, ils leur disent « Alors, chez vous, en France, c'est comment ? C'est comment l'école ? Comment ça se passe le travail ? etc. » Et les jeunes répondent « Bah, là, nous, en France, c'est comme ça qu'on réfléchit. La sécurité sociale, c'est gratuit, ce genre de choses. » Et en fait, ils sont ambassadeurs de ce pays, de cette culture aussi. Et c'est un espace qui leur permet aussi, avec leurs propres mots, se définir. Quand on sort du cadre, quand on sort de la rigidité du quotidien en fait et du cadre normal quotidien, on apprend à être un peu plus créatif et à se laisser aller. Et en fait, ils vont parler autant de leurs origines africaines ou asiatiques que de leur vécu de citoyen français. Et ils vont se redéfinir en fait une identité équilibrée de manière totalement naturelle parce qu'ils ont l'espace de le faire. Et donc, voilà, ces échanges avec l'international, c'est à la fois un espace de liberté, un espace de valorisation de soi, qui nous permet de trouver notre place aussi, et un outil incroyable pour leur permettre de décrypter le monde en fait, dans lequel ils vivent, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des préjugés les uns sur les autres aussi, les Français sur les Anglais ou sur les Américains, et inversement. Et ça leur permet de parler de ce qu'ils perçoivent de ces pays, et donc de l'actualité et des fois internationale. Et c'est un espace d'éducation populaire incroyable que nous, vraiment, on investit à fond parce que c'est vachement libérateur. Donc oui, ce voyage et que je souhaite à tout le monde, il était vraiment libérateur pour moi. J'ai l'impression que c'est ce que tu essaies de faire vivre aujourd'hui à travers l'activité de GetUp, non pas en montant dans un avion, mais en allant dans des structures, dans des organisations à la rencontre de personnes, notamment quand tu fais le lien avec les entreprises qui ne se feraient pas normalement dans la vraie vie. C'est vrai que notre société, elle est très cloisonnée. Chacun vit dans ses 10, 20, 30 km carrés et parfois, c'est déjà énorme. En fait, c'est parfois même 1 km carré. Et en fait, vous, justement, GetUp, vous essayez créer tous ces ponts entre ces petites communautés, ces îlots qui sont d'habitude imperméables. Et ça crée aussi beaucoup de déclics. Hein. Absolument, absolument. En fait, ce qui est important aussi de, de, de comprendre. Nous, on fait un travail essentiellement quand même sur les jeunes des quartiers populaires qui ont intériorisé énormément de clichés, de freins, qui ont intériorisé aussi le fait que ce ne sont pas des citoyens lambda, ce sont des citoyens de seconde zone ou autres, qui les empêchent forcément de se projeter dans cette société. Donc on travaille à déconstruire tout ça, à reconstruire une confiance en eux, à développer des compétences, mais aussi à comprendre que de l'autre côté du périph' ou de l'autre côté de la rue, il y a des gens qui les attendent, qui ont compris que c'était une richesse pour ce pays et qui, sans parfois toujours savoir comment faire, sont prêts à sauter le pas ou à leur donner une chance ou à les écouter, à apprendre d'eux, ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'on crée énormément de rencontres entre les jeunes qu'on suit et les acteurs de quartiers populaires et les autres, et ceux qui n'en sont pas issus ou qui n'y travaillent pas, parce que créer ces ponts-là, c'est fondamental. Pour apprendre à mieux se connaître, apprendre à travailler ensemble, apprendre à dépasser aussi certains sujets qui font qu'on tourne en rond, comme tu disais tout à l'heure, on en reparlera peut-être plus tard. Mais l'autre n'est pas forcément un ennemi des deux côtés. Parlons-en maintenant, Inès, si tu veux bien. On tourne en rond. T'as le même sentiment que moi. On tourne en rond sur ces sujets et en fait, il y a un peu, je sais pas, l'épouvantail de l'intégration ou de la non-intégration qui est ressorti de temps en temps et on a vraiment le sujet banlieue avec des gros yeux qui ressort de temps en temps comme si c'était quelque chose soit hyper important et une vraie richesse, soit un problème insolvable et insoluble. Toi, tu le vis comment et c'est quoi ton analyse par rapport à ça? Je le vis très mal, en fait. Ces polémiques incessantes, ces débats qui n'en sont pas, qui sont posés vraiment pour agiter Twitter, pour agiter, pour faire de l'audience, pour... Voilà, parce qu'on en a marre de parler du coronavirus, alors on va parler de séparatisme. On en a marre d'être dans l'exigence vis-à-vis d'un gouvernement. Alors on va créer une polémique sur cette jeune fille. On en parle aujourd'hui, là on est le 17 septembre. Il y a une polémique sur une jeune étudiante qui a une chaîne YouTube, enfin une chaîne Instagram qui aide les étudiants qui n'ont pas les moyens à se cuisiner des plats eux-mêmes. Elle passe sur BFM TV 2 minutes et tout ce dont on parle, c'est pas la précarité des étudiants en France, c'est pas son action salutaire de permettre à tout le monde de manger bien, c'est le voile qu'elle a sur la tête et est-ce qu'on doit soutenir ou pas la journaliste qui a fait le lien entre ce qu'elle représente et son voile et le terrorisme. On en est là aujourd'hui, tout est confisqué par ces sujets-là, posé dans des termes qui sont absolument pas constructifs, poser dans des termes qui ne nous permettent pas d'aller au fond des choses, alors que les femmes voilées, s'il faut en parler, elles sont en France depuis très longtemps. D'ailleurs, la France était aussi dans les pays de leurs grands-parents il y a encore plus longtemps. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui fait partie du paysage français depuis longtemps et elles ne vont pas disparaître demain. Donc, à un moment donné, parler de ça, ça ne sert à rien. Par contre, parler de comment notre système traite nos étudiants, comment rassembler la gauche, j'ai envie de dire. Il y a plein de sujets, de sociétés, de fonds vraiment importants qui ne mobilisent pas les foules comme le font ces sujets qui sont en fait, j'ai l'impression, des espèces de soupapes, de variables d'ajustement. Alors que derrière, il y a des gens comme moi qui s'identifient plus ou moins à ces questions, qui s'identifient plus ou moins à ces populations dont on parle en permanence, et qui vivent ces conversations déjà comme une perte de temps, parce que c'est du temps qu'on ne passe pas à parler du fond, mais aussi comme du harcèlement, purement et simplement, parce que c'est épuisant, c'est fatigant de toute l'année, tous les 3 mois, être au cœur de l'actualité alors que tu n'as rien demandé. Qu'on remette en question à chaque fois... ta place dans la société. Retournons la médaille, si tu me le permets, retournons la médaille et justement, dis-nous tous les talents que tu as dans ton entourage et toutes les pépites. Bon, peut-être pas toutes parce que je pense qu'on en aurait pour 4 heures, mais partage-nous, voilà, tout ce qu'on ne met pas suffisamment en avant et que toi, tu vois dans ton travail au quotidien. Bah, écoute, déjà, j'ai envie de te dire que les citoyens français qui habitent dans les quartiers populaires sont des citoyens français comme les autres, qui se ventilent sur plusieurs classes sociales différentes. Donc, il y a des gens qui sont de milieu populaire, il y a des zones pavillonnaires en banlieue, il y a des gens qui payent l'ISF en banlieue, il y a vraiment de tout. C'est juste de l'autre côté du périph. Et puis après, il y a des vécus, il y a des spécificités, le fait qu'il y ait énormément de diversité dans nos quartiers, des gens qui viennent de partout. On grandit en primaire en sachant placer la Roumanie sur une carte, l'Algérie, on sait qu'il y a eu tel conflit. On a beaucoup de réfugiés qui viennent dans nos écoles. Moi, j'ai toujours eu chaque année des jeunes filles ou des jeunes garçons dont les parents étaient réfugiés politiques et qui apprenaient le français avec nous. Voilà, on est sensible à cette, on est des citoyens du monde très tôt. On parle pour beaucoup plusieurs langues et puis on est confronté à aussi beaucoup d'inégalités, beaucoup de difficultés, c'est vrai. Et ça, forcément, ça forge une énergie pour continuer. Il faut forcément être déterminé si on veut aller au bout. Ça crée de l'empathie. Et il y a énormément d'associations dans les quartiers, énormément de gens qui s'engagent, beaucoup de solidarité à des échelles locales ou moins. Il y a énormément d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont des modèles de développement qui sont vachement intéressants. Ça veut dire des entrepreneurs qui vont embaucher leurs amis d'enfance, leurs cousins, créer de l'impact par cercle concentrique de manière assez fascinante. Moi, je travaille beaucoup avec des entrepreneurs. Et quand un entrepreneur réussit à pérenniser sa boîte, c'est 10-15 personnes autour de lui dont le quotidien s'améliore. C'est aussi des nouveaux produits, des nouvelles façons de consommer, etc. Et voilà, moi, c'est ce que je vois. Donc, c'est ce que je vois, c'est ce qui est la normalité aussi pour moi. Et c'est des gens dont on parle pas et à qui on donne très peu la parole. Et je pense que c'est important déjà que eux le voient, parce que forcément on regarde tous la même télé, on regarde tous les mêmes actualités. Et quand on voit cette image qui est renvoyée de nous les habitants de quartiers populaires en permanence, ben on finit par y croire, alors qu'on voit ça tous les jours. On voit l'inverse tous les jours, en fait. Et donc, c'est important, l'histoire, la narration, redonner des nuances, redonner des couleurs et sortir du manichéisme sur la question des quartiers populaires comme d'autres, c'est fondamental pour recréer du dialogue et recréer des débats qui ne sont pas caricaturés et caricaturaux. On reparlera de tout ça tout à l'heure quand on partira ensemble en 2030 glorieuse. Inès, c'est passionnant. J'ai envie de t'entendre justement sur tout ce qui aura des quartiers vers d'autres parties de la France permis de vivre beaucoup plus sereinement ces 10 années qu'on nous annonce assez chaotiques, parce que tu en as cité quelques-unes de ces valeurs de créativité, de résilience, d'entraide, d'inventivité vont nous permettre d'absorber les crises et de rebondir autrement mieux que ce qu'on ferait si on continuait à être cloisonné. Je suis très très impatient d'entendre là-dessus, mais avant de voyager vers ces utopies réalistes, et c'est à chaque fois le cas, on termine la première partie par un cadeau que l'invité nous fait. Et donc toi aujourd'hui tu arrives avec un texte que tu veux nous lire, qui ouvre une fenêtre grâce à la littérature vers justement un avenir souhaitable qui était en fait voilà dans un livre dans notre bibliothèque. Tu es venue avec quel livre toi, Inès? Alors oui, moi je suis venue avec un texte de Jean-Paul Sartre. Alors c'est un extrait de la préface de l'édition de 1961 des Damnés de la Terre de France Fanon. Alors je m'en veux un peu de ne pas lire France Fanon, mais il faudrait lire des passages qui durent 15 minutes pour vraiment rentrer au fond de sa pensée, parce que c'est une pensée assez complexe et très belle aussi. Alors j'ai pris un extrait de cette préface qui est par Jean-Paul Sartre, parce qu'aussi, et je pense qu'on en reparlera un petit peu après l'extrait, j'admire beaucoup Jean-Paul Sartre et les personnes qui comme ça se lèvent parmi les leurs pour dire des choses un peu dissonantes, avoir le courage de prendre les responsabilités qu'il faut, même si on se fait des ennemis. Et Jean-Paul Sartre, c'était un grand militant décoloniale, donc qui soutenait beaucoup les efforts des peuples, des anciens peuples colonisés, à se libérer de la colonisation. Et il a toujours eu des positions très avant-gardistes et une espèce de courage à accepter le changement. Et est-ce que ça pouvait être comme peur aussi, ce que ça pouvait apporter comme peur dans une société qui n'était pas forcément prête à ça. Alors je vais lire ce petit extrait et puis on en reparle juste après. Européens, ouvrez ce livre, entrez-y. Après quelques pas dans la nuit, vous verrez des étrangers réunis autour d'un feu, approchez, écoutez. Ils discutent du sort qu'ils réservent à vos comptoirs, aux mercenaires qui les défendent. Ils vous verront peut-être, mais ils continueront de parler entre eux, sans même baisser la voix. Cette indifférence frappe au cœur. Les pères, créatures de l'ombre, vos créatures, c'étaient des âmes mortes. Vous leur dispensiez la lumière, ils ne s'adressaient qu'à vous, et vous ne preniez pas la peine de répondre à ces zombies. Les fils vous ignorent. Un feu les éclaire et les réchauffe, qui n'est pas le vôtre. Vous, à distance respectueuse, vous sentirez furtif, nocturne, transi, chacun son tour, dans ces ténèbres d'où va surgir une autre aurore, les zombies, c'est vous. C'est un bout de cette préface que je trouve, même moi, quand je la lis, hyper saisissante, parfois même un peu violente. C'est en fait un homme qui est témoin du changement qui se passe dans la société, qui comprend qu'il y a une ère qui est finie, on passe à autre chose, et sans savoir vraiment ce que ça va donner, ses valeurs en fait, humanistes et universalistes, elles le poussent à quand même être du côté de cette nouvelle ère qui arrive, parce que c'est les valeurs qu'il partage. Et je trouve ça fascinant, et je trouve que chacun, en fait, dans notre vie, on est le Sartre d'une cause. On peut être, en tout cas, le Sartre d'une cause. On peut être la personne qui, dans la zone de pouvoir, va savoir écouter et être du côté de ceux qui se libèrent, de ceux qui prennent le pouvoir sur leur vie. Ou sur leur lutte en tout cas. Et à chaque fois que je lis ce texte, ça me touche beaucoup. Et voilà, et Jean-Paul Sartre, c'est quelqu'un que j'aurais adoré rencontrer autant que François Fanon. Et voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça plaira aussi aux auditeurs. Merci Inès pour la lecture qui est effectivement très inspirante mais aussi très remuante. On part là, ça y est, on y est en fait déjà même en 2030 glorieuse. 2030 glorieuse pour moi, c'est vraiment un espace qu'on crée à chaque fois avec l'invité où on se projette sans risque, sans rien non plus à devoir à personne, dans une bulle dans laquelle on aurait réussi à remettre le vivant au cœur de notre mode de vie. Le vivant étant la faune, la flore, bien sûr, les écosystèmes terrestres, mais aussi l'autre, l'être humain, en face de nous, comme une richesse, et nous-mêmes. Et donc, moi, ma question, c'est toi maintenant, qui va rester avec moi pendant une quinzaine de minutes dans ces 2030 glorieuses. Si tu avais fermé les yeux le temps du voyage et que tu les rouvrais maintenant, qu'est-ce que tu verrais ? Alors, on est en 2030, c'est agréable de sortir dans la rue, on respire un air supportable, on se dit bonjour, et puis on est tous heureux d'aller au boulot, parce qu'on a tous un travail qui fait du sens, qui nous permet de vivre bien sûr, mais qui nous donne aussi une place dans la société. On a tous compris qu'on était utile, on le sent tous, on est tous respectés dans notre, dans notre dignité, dans notre travail. C'est aussi une société où il y a moins de débats cristallisants, où on arrive à parler des vraies choses, où les médias ont un rôle plus éducatif, informatif que de commentaire de l'actualité. C'est aussi une société où la politique, c'est plus un gros mot, où les jeunes ont envie de s'engager, où les jeunes comprennent l'importance de s'engager, de se présenter, d'avoir des actions politiques même en dehors des partis ou des élections, mais où tout le monde a envie de façonner, en fait, de façonner le monde et d'y apporter un peu son grain de sel, sa vision et ses rêves. Voilà, c'est une société vivante, une société qui a appris à se regarder en face, qui a aussi fait un travail sur son passé. Une société qui, une fois qu'elle a un petit peu fait de l'ordre dans devant sa porte, va aussi mieux se positionner sur la scène internationale, avoir un rôle d'accompagnement et pas d'exploitation, de rester à sa place aussi. Hein, la France n'est pas là pour sauver le Liban, le Mali, à tout va. La France est là pour être un ami, un allié, mais voilà. Donc une société saine, une société responsable, une société où la jeunesse a repris sa place et où on se sent tous comme faisant partie du même bateau, avec un mot d'ordre pour moi qui est vraiment fondamental, c'est celui de la dignité. Ouais, en 2020, il y a 10 ans en arrière, hein, toi, tu travaillais à revaloriser l'image de cette jeunesse et puis des quartiers en France. Ça a bien changé en 2030. Est-ce que tu peux me raconter comment on valorise aujourd'hui les quartiers et pourquoi ce changement s'est opéré, à quoi ça ressemble? Bah, je pense que, en fait, les quartiers, moi, j'espère, en tout cas au fond de moi, que c'est un non-sujet. Que c'est juste que ça arrange pas mal de gens, qu'on en parle comme un territoire ou des populations qui sont différentes et qui sont un problème en soi, alors qu'en fait, si on met ces gens dans le 16e arrondissement de Paris, ils vont très bien s'acclimater et ils vont très bien vivre comme on attend d'eux qu'ils vivent, et qu'en fait, c'est simplement qu'il y a des inégalités, des opportunités en moins. Une stigmatisation en permanence, c'est que si ces choses sont levées, si on travaille à une égalité vraiment de chaque citoyen en France, le même accès à la santé, le même accès à l'éducation, le même accès à l'emploi, le même accès au logement, on parlera plus des quartiers dans 10-15 ans, on parlera plus des problèmes en eux-mêmes, du manque de logement, de l'inflation, du système éducatif qui n'est pas en phase avec le marché du travail, et plus en fait de ces gens qui sont en fait des variables d'ajustement, et comment on arriverait à ce moment-là, en fait, c'est quand on va vraiment être le dos au mur, qu'on verra que le système ne fonctionne vraiment plus, et c'est ce dont on prend de plus en plus conscience, et là en particulier avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte, en tout cas, on n'avait plus d'autre choix que de prendre note de tout ce qui ne fonctionne pas, en fait, dans notre système. Le Covid-19 d'il y a 10 ans en arrière, en 2020, a effectivement souligné l'injustice dans la répartition de la charge du travail et dans la valorisation de ce qu'on appelait à l'époque les premiers de corvée. Je crois que tu le disais, le travail stable et décent, en tout cas en 2030, comme je le vois, ça a été un levier magnifique de revalorisation de tous les savoir-faire, des valeurs d'abnégation, de soins à l'autre, qui sont en fait très très présents dans ce qu'on appelait effectivement à l'époque les quartiers, et qui sont tenus par tout un tas de personnes qui ont fait de leur vie une relation au service, une relation aux soins, une relation à l'entraide, qui étaient à l'époque pas du tout valorisées, qui aujourd'hui sont devenues des manières de mesurer notre société et toute cette richesse qui était cumulée à l'époque est bien mieux redistribuée, hein, pour valoriser ces gens qui prennent soin, justement. Absolument. Et en fait, ces gens qui nous ont sauvés pendant la crise, que ce soit les infirmiers, les profs en télétravail, qui se sont démenés pour maintenir la continuité pédagogique, les personnels de nettoyage, tous ces gens-là, c'est des gens qui en fait sont en grève depuis des années. C'est des gens qui alertent depuis des années en disant, bah, vous ne nous considérez pas aujourd'hui, mais vous avez besoin de nous. Nous sommes des gens fondamentaux dans cette société. Et en fait, le défi maintenant, ça va être vraiment de prendre note de ça et de redonner cette valeur à ces personnes qui sont utiles en fait, ces personnes qui créent de la valeur, ces personnes qui nous protègent, qui nous permettent de marcher dans des rues propres et qui sont aujourd'hui des métiers qui sont pas des métiers de héros. Les gens, quand ils se réveillent le matin pour faire ces métiers-là, ils sont maltraités. Donc, voilà, il faut travailler à ça et je pense que c'est. On a revalorisé comment ces métiers? Les gens sont mieux payés. On parle d'une revalorisation aussi sociale, de l'image dans les films, dans les médias. Qu'est-ce qui a changé radicalement? Pourquoi on voit les éboueurs, les caissières, les comptables différemment de ce qu'on les voyait avant? On les voit différemment parce qu'effectivement, ils sont plus présents dans les films, dans les fictions, dans les médias aussi. Ils sont peut-être plus invités à la télé pour parler de sujets qui les concernent et pas toujours des gens hors sol. Ils sont aussi plus écoutés et en fait, ils sont tout simplement parfois mieux payés parce que les profs en 2020, il y a 10 ans, ils étaient les profs français étaient c'est partie des profs les moins payés d'Europe, les moins bien payés d'Europe. Ils sont donc peut-être mieux payés. Ils ont des horaires pour les personnels de nettoyage, par exemple, qui sont humains, pas des shifts qui commencent à 6 heures du matin, une pause de 10 heures, puis ça reprend le soir. Enfin, des choses qui sont pas réfléchies. Des modèles qui ne sont pas réfléchis avec l'humain au centre, mais vraiment le capital au centre et l'intérêt des entreprises au centre. Et en fait, voilà, on a fait tranquillement cette transition. Ils font partie plus du décor. On les écoute, on leur dit bonjour quand on arrive dans une gare, quand on arrive à l'école. Voilà, on a plus de respect pour ces gens-là. Et ça, c'était un travail de 10 ans qui a commencé avec la crise du coronavirus. En 2020, on C'est avait. beau de parler comme ça. Bah oui, en 2020, on avait. C'était assez dramatique à quel point l'Assemblée. On va parler de l'Assemblée nationale, on va même pas parler du Sénat, était tristement représentatif de l'injustice de la représentation en France avec des hommes blancs de plus de 50 ans qui étaient très souvent issus de métiers cadres. Socialement haut placé et qu'on avait une représentativité très faible des personnes en fait les plus présentes en France, des corps ouvriers, etc., etc. Ça, en 2030, tu le disais, le regain notamment de la jeunesse pour la politique a radicalement changé ça. Et aujourd'hui, on se retrouve avec pas que des députés d'ailleurs, hein, tout un tas de femmes et d'hommes politiques qui sont issus de cette mixité, de cette jeunesse et qui redonnent à la politique leur lettre de noblesse. Hein. J'ai l'impression que ça a été un vrai cap. Hein. Oui, absolument. Absolument. Et ça crée des cercles vertueux, pardon, où il y a de plus en plus de gens qui se sentent légitimes d'y aller, d'ouvrir des portes, de proposer des choses. On est devenu, contrairement à 2020, où on était un petit peu la risée du monde avec notre gestion de la crise, on est devenu un modèle. Comme en 2020, on parlait de la Nouvelle-Zélande ou de pays qui avaient réussi à faire communion comme ça, ben, on parle de la France comme un modèle de réussite, un pays qui a renoué avec ses valeurs, son histoire aussi, et qui a redonné le pouvoir au peuple de manière tout à fait saine et vertueuse et fructueuse, voilà. Et puis même en Europe, on a réussi à inspirer d'autres pays. Et le fait d'avoir eu une femme issue des minorités élue à la tête de notre pays, ça a fait un grand changement aussi. J'imagine que toi, tu l'as vécu comme un vrai espoir, hein. Absolument. Alors j'avais très peur qu'après on passe à une ère comme ça s'était passé 10 ans plus tôt avec Trump juste après Obama. Mais nous, les Français, on a réussi à ne pas tomber dans cet écueil et on a réussi à continuer cette transition, cette progression vers vers une société qui voit vraiment les citoyens pour ce qu'ils sont, pour leurs compétences, pour leurs idées, pour ce qu'ils apportent. Hein, c'est un peu l'article 1 de notre constitution. Et voilà, et on a réussi, quoi. C'est beau de rêver. Merci, Julien. Toi, en 2030, glorieuse, Inès, tu fais quoi? Je sais que 10 ans en arrière, tu avais beaucoup de casquettes et si je t'ai tendu la perche de la politique, c'était pas pour rien. Je sais que c'est un sujet qui te passionne. Tu gravites dans ces milieux. Quelle casquette tu as continué à porter et peut-être qu'il y en a une qui a pris plus d'importance qui fait qu'aujourd'hui, en 2030, ton activité a changé ou pas? Alors, écoute, c'est toujours en réflexion en 2020. J'ai du mal à me projeter en 2030, mais avec... Personne n'écoute, vas-y. écoute, moi je considère que ce qu'on fait avec l'association, le plaidoyer qu'on fait quand on va dans les médias, les tribunes qu'on écrit, les textes qu'on produit, ce sont des choses éminemment politiques. La politique, c'est pas forcément... être député ou être maire ou être présidente de la République. Moi, c'est vrai que sur tout ce qui est politique, je réfléchis plutôt en termes d'outils. J'aime bien créer des espaces qui sont là pour être des garde-fous. Alors, il y a plein de choses qui existent en Europe qui sont hyper intéressantes. Je pense notamment... un intergroupe au Parlement européen qui s'appelle ARDI, qui est un groupe de lobby au sein du Parlement européen pour mettre en garde les eurodéputés sur les projets de loi qu'ils écrivent avec un angle d'attention très porté sur les discriminations, que ce soit de genre, de race, de handicap aussi. Et je pense que ça, c'est des outils qui manquent chez nous dans notre démocratie. Et il en faudrait plus, il faudrait encore d'autres organes de surveillance, que ce soit sur les aspects législatifs, mais aussi dans la police, par exemple. C'est pas normal qu'on ait un IGPN qui soit, géré par des policiers. Il y a un espèce de non-sens là-dedans, dans les affaires de violence policière, comme il y a un gros corporatisme, c'est un non-sens en fait que ceux qui surveillent les policiers soient des policiers. Alors, il y a encore plein d'outils à créer, donc moi c'est vrai que c'est plus vers là plutôt que d'autres manières de s'engager en politique que je me vois. Mais peut-être qu'en 2030, j'aurai mon élevage d'alpaca quelque part en France parce que du coup on aura déjà résolu tous ces problèmes-là et j'aurai plus besoin de m'en occuper, parce que ce qui est important de dire aussi, et merci pour cette question, c'est que, en fait, pour la plupart des activistes et des entrepreneurs sociaux et des gens qui s'engagent sur ces questions corps et âme, c'est pas des vocations vraiment, en fait, c'est un besoin de résoudre des problèmes dont la vision nous est insupportable, et en fait, notre rêve en vrai de vrai en tant que gens qui s'investissent sur ces sujets, c'est de ne plus avoir à le faire. C'est pas un projet de vie en fait. Et donc, moi je me réveille pas tous les matins en me disant dans 10 ans, j'espère que je ferai ci ou que je ferai ça. Et je me dis, j'espère que dans 10 ans j'aurai plus besoin de m'occuper de ces sujets, qu'on aura dépassé tout ça. Et je le dis parce que c'est important. Les gens souvent croient que c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de sens dans nos vies, mais c'est aussi pas mal de souffrances et de sacrifices. Et c'est important de le redire aussi, je pense, à ceux qui voient passer des gens qui luttent ou qui s'investissent. Ces gens ont besoin de soutien, ces gens ont besoin d'énergie, parce que c'est pas facile et la route est longue. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Et effectivement, la route est longue. Elle est même très longue avant 2030 glorieuse. C'est un exercice qu'on vient de faire et qui, si on le refaisait demain, serait complètement différent. Donc, il n'y a pas vraiment d'engagement. Je pense que personne ne t'en voudra de ce que tu as dit. Et si ça se passe pas exactement à la virgule près de ce qu'on a raconté, ouf. Mais ma dernière question quand même, Inès, c'est pour... proposer un premier pas vers ces chemins dont nous avons parlé à celles et ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu suggères, toi, comme mise en mouvement ou comme accélération pour marcher vers ces utopies réalistes ? Il y a toujours deux niveaux pour matérialiser le changement dans une société. Il y a à la fois le niveau structurel, donc le pouvoir normatif d'une loi, faire plier un gouvernement, donc des choses qui se font dans la masse, donc avec la puissance de la foule. Et il y a aussi un grand pouvoir dans l'individu aussi, la capacité qu'il a à se réformer, à comprendre dans quelle mesure il maintient parfois des inégalités ou il bloque parfois des changements. Il y a plein de choses qui se font avec une poignée de pourcents de la population. Et je pense que c'est important que, ben, en plus de signer des pétitions, de sortir dans la rue, d'être un peu dans la foule, dans la masse, il y a un gros travail à faire aussi en tant qu'individu, chacun, pour constituer une société plus éclairée, plus innovante. Il faut lire, il faut poser des questions, il ne faut pas avoir peur des conversations qui fâchent, des conversations où on se sent mal à l'aise, des textes qui nous mettent aussi mal à l'aise, comme celui que j'ai lu tout à l'heure. Et oui, je pense apprendre, toujours apprendre plus, comprendre, c'est pour moi une voie aussi radicale de changement. J'entends la nécessité à organiser sa sortie de sa zone de confort de manière régulière. J'entends la curiosité, l'envie d'apprendre. Est-ce qu'il y a une autre piste très, très, très, très concrète, à part d'aller voir le travail de GetUp et encourager la visibilité des talents dans les quartiers? Est-ce qu'il y a une autre piste concrète là, que tu veux nous proposer pour la fin de cette émission? Ah, bien sûr. Alors, sur ces questions, il y a aussi utiliser un petit peu les espaces ou les privilèges ou les accès qu'on a à certaines choses pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Si des choses toutes simples, bah, si on a un travail, bah, on peut prendre un stagiaire d'une semaine ou de 6 mois. Si on a déjà fait un CV et qu'il est plutôt bien fait, on peut aider à un jeune à relire le sien. On peut se proposer comme bénévole, écrire des petits messages à des associations qui nous touchent pour savoir si elles ont besoin d'aide, relayer leurs appels au secours ou leurs opportunités d'engagement. Voilà, être des petits acteurs de changement, proposer son aide, c'est pas compliqué. Il y a plein de choses, plein de manières de le faire. Merci Inès. Merci à toi. Et voilà, cet échange avec Inès vient de se terminer. J'espère que, comme moi, vous avez pris beaucoup de plaisir à écouter Inès, qui a vraiment cette envie d'égalité, de justice, d'acceptation de l'autre et de le voir comme une richesse vraiment chevillée au corps. Je trouve que son parcours est particulièrement inspirant et de voir comment, en fait, en voyant les inégalités dans un autre pays, ça lui a fait un choc et que ça a été un de ses déclics, hein, puisque c'est pas le seul, mais ça a été un de ses déclics pour revenir en France et de lutter pour faire en sorte de redorer le blason des banlieues qu'il mérite terriblement. Je suis aussi très heureux qu'on ait pu à la fois insister sur l'opportunité de faire de la politique, comme elle le disait, hein, sans forcément rentrer dans les espaces institutionnels, mais au contraire, en écrivant, en en parlant, en en discutant, en le faisant exister un peu dans tous les moments de notre quotidien, et puis aussi de lever un petit peu, hein, mais quand même, le voile sur les personnes qui travaillent justement dans l'économie sociale et solidaire, dans les métiers de sens, dans la justice sociale, écologique, etc., etc., et qui, c'est vrai, parfois peuvent sembler être un peu les nouveaux héros et pourtant ont une charge mentale qui est très forte, des charges de travail aussi qui sont souvent proche d'être insoutenable et en tout cas pas tenable sur le long terme, et que c'est quelque chose, il faut y apporter un peu de recul et le voir non pas comme une finalité mais comme un moyen de porter ses valeurs, et j'espère que ça vous a donné envie de vous engager et de porter plus fort ces valeurs d'humanisme, notamment comme le fait Inès dans son quotidien. Et puis moi je vous dis à très vite pour découvrir une nouvelle personne inspirante dans le podcast 2030 Glorieuse. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes.